Hello, bonjour, bonsoir, c'est Hakim sur 80s Lost Songs, le podcast francophone qui part à la chasse de ses trésors musicaux perdus des années 80. J'espère que vous portez toutes et tous bien et d'ailleurs, tous mes meilleurs voeux. Il n'est jamais trop tard pour les souhaiter, mais bon, il n'y a pas eu d'épisode depuis 2021. C'est le tout premier épisode bonus, vous allez comprendre pourquoi, mais bonne année. Et j'espère qu'elle sera meilleure que celle que nous venons de passer. Alors, 80s Lost Songs, qui est un podcast où chaque épisode, je mets en avant une chanson. Logiquement, perdue des années 80, mais pas toujours. Il y a des exceptions qui font que j'ai envie de les diffuser exactement dans le podcast, mais j'estime qu'elles sont perdues dans le sens où les jeunes de notre époque ne les écoutent pas et cela ne passe en plus ces chansons pratiquement jamais à la télé ou à la radio, à moins d'être connectés sur une chaîne ou plutôt sur une radio spécialisée années 80 ou synth-pop, peu importe, ou suivant le style qui marquait l'époque comme la Latin Freestyle entre autres, par exemple, ou l'Italo Disco. Voilà, il y a pas mal de radios de ce genre de musique. Mais aujourd'hui, donc déjà une chose, je mélange les pinceaux là. Premièrement, le podcast n'est pas mort entre guillemets parce que je vois que j'ai eu plusieurs réactions sur Facebook et sur Twitter qui me demandaient quel est devenir le podcast parce qu'il n'y avait plus d'épisode depuis le numéro 50 qui était, je me rappelle bien, In the Heat of the Night par la chanteuse allemande Sandra. Alors en fait, c'était juste une saison de 50 épisodes, j'ai dû faire une pause. Parce que, bien entendu, j'ai été occupé par mon autre podcast, qui est Eurodance Story, que je vous invite à écouter si vous voulez découvrir l'Eurodance, un genre musical qui a plutôt fonctionné dans les années 90. Donc aussi une autre génération, pas de maintenant, mais d'avant, mais d'après les années 80, bien entendu. Moi, j'ai connu les deux générations, 80, 90, et l'Eurodance a marqué aussi mon adolescence, ce qui fait que j'ai un autre podcast où je traite ce genre musical. Donc n'hésitez pas à chercher Eurodance Story dans votre application de podcast, si vous voulez, par curiosité, voir ce que c'est. Voilà, donc là, c'était juste pour info. Mais il y aura une saison 2 d'80s Lost Songs, bien entendu, qui redémarrera si tout va bien dans quelques semaines. Mais là, c'est ce bonus que j'intitule Face B Volume 1. Qu'est-ce que ça va être exactement? Alors, c'est un épisode essentiellement musical, même si je vais juste intervenir entre chaque son que vous allez écouter. Alors, en fait, les chansons que je vous ai présentées durant les 50 épisodes ont été pressées sur des vinyles. Des vinyles qui ont tous une face A et une face B. Face B, en général, elle contenait quoi de la face B? Soit un remix ou une version extended, une version plus longue de la face A. Et en général, c'est ce que vous écoutiez dans mon podcast en fin d'épisode, où je vous mettais souvent la version longue de la chanson qui était présentée dans chaque épisode, quand j'en avais une, bien entendu. Mais quand ce n'était pas le cas, les chansons avaient sur leur face B, les vinyles plutôt, sur leur face B, un autre titre qui n'avait rien à voir avec la face A. Et c'est ce que je vais mettre dans cet épisode. Parmi toutes les chansons que je vous ai présentées durant ces 50 épisodes, j'ai vérifié sur chacun des titres-là s'il y avait une face B, un titre inédit, entre guillemets, qui n'avait rien à voir avec la face A. Et c'est ce que vous allez écouter dans cet épisode. Donc il n'y aura pas les remixes ou les versions longues, mais des titres neuf entre guillemets pour vos oreilles peut-être, parce qu'en général ce ne sont pas des chansons commercialisées en single puisqu'elles étaient sur la piste, la face B. En général ce sont des chansons qu'on retrouvait dans les albums des artistes respectifs, voilà, qui ont profité de nous faire connaître autre chose de leur répertoire musical. Alors bien entendu il n'y aura pas autant de face B que de chansons que je vous ai présentées, parce que en majorité, bien souvent, c'était un remix ou une version longue que l'on retrouvait en face B, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc là, on va débuter avec, souvenez-vous, la chanteuse Alisha, c'était l'épisode 1, avec la chanson Baby Talk, que je vous avais présentée. Et sur la face B de son vinyle, il y avait un autre titre qui s'intitule One Little Lie. Alors, je vous préviens, souvent, Les faces B ont un style très différent des façades, donc ne vous attendez pas à chaque fois à avoir une chanson du même style, hein, si vous avez adoré, par exemple, les faces A des chansons que je vous ai présentées. Voilà, mais c'est une envie de vous faire découvrir autre chose de ces artistes-là. Allez, on écoute One Little Lie de Alisha, qui était sur la face B du Baby Talk, qui sortait, je vous le rappelle, en 1985. Suivons avec l'épisode 2 du podcast. Donc, c'était la chanson Charleston que je vous avais présentée du chanteur Dan Harrow qui sortait en 1986. Eh bien, sur sa face B se trouvait une autre chanson qui s'intitule Broken Radio. Troisième épisode, c'était notre chère Nicole qui sortait en 1985, le très bon « Don't you want my love » et sur la face B de ce vinyle se trouvait un titre qui s'intitule « Shy Boy ». Looking oh so shy. épisode 4, je vais vous présenter le Easy Lady de la chanteuse Spania, qui sortait cette chanson en 1986. Sur la face B de ce vinyle se trouvait le titre Jalousie. Ensuite, un petit saut vers l'épisode numéro 7, où je vous parlais de Al Corley et sa chanson Cold d'Oasis, qui est sortie en 1985. On va s'écouter la face B de ce vinyle qui s'intitule The Answers, The Solutions, les réponses, les solutions en français, ça sera plus simple à dire. Allez, on écoute cette chanson d'Al Corley. Seems made the answers, the solutions, the answers, Épisode 9, souvenez-vous, je vous parlais de la famille de frangins, frères et sœurs, qui composaient le groupe Five Star, sans S à la fin de Star, avec la chanson System Addict qui sortait en 1985. Eh bien, c'est la chanson Pure Energy qui était positionnée sur la face B de ce vinyle. We'll be right back. Et oui, il arrivait quelquefois que les faces B, même si c'était des chansons inédites, elles n'étaient qu'entièrement instrumentales. C'était le cas ici avec les Five Star. J'ai fait exprès de ne pas vous le dire. Je me suis dit, vous attendrez peut-être certainement à un moment donné la voix de l'un de ces membres de ce groupe Five Star. Mais non. Voilà. Donc d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, il arrivait aussi qu'en face B, il y avait la version instrumentale de la version de la face A. Voilà, ce qui était le cas, par exemple, sur le disque de Sandra, Innocent Love. La face B, c'était Innocent Theme, le thème musical d'Innocent Love. Bon, je n'ai pas mis parce que dans cet épisode, je ne mets que des titres, entre guillemets, inédits. Allez, épisode 10, souvenez-vous, c'était une spéciale French Touch, où j'avais mis plusieurs vinyles neufs dans cet épisode. Et Corinne Hermès, souvenez-vous, elle sortait en 1989 la chanson « Dessine-moi ». Mais sur la face B, il y avait un autre titre qui s'intitule « Il pleut ». Où sont ces photos que je n'ai jamais prises? Et les tout premiers mots de nos passions indécises? Quand nous apprenions l'amour, ces dentelles de rêve que je n'ai jamais mise, que je n'ai jamais mise, mais quelque part il pleut. Toujours dans cet épisode 10, on écoutait la chanson « Body Physical » de la chanteuse Buzy, chanson qui date de 1986. Sur la face B de ce vinyle, le titre s'intitule « Je I Remember ». On va découvrir ce que cela veut dire ensemble, « Je I Remember ». Je I Remember. Toujours dans cet épisode 10, il y avait la chanson « Slave » de notre cher François Fellman, chanson qui date de 1987. On va s'écouter ensemble la phase B de ce vinyle qui s'intitule « Encore plus belle, endormie ». Excellente chanson avait été présentée également dans ce même épisode 10. Souvenez-vous, Tes états d'âme d'Eric de Luna Parker, chanson de 1986. Eh bien, on va s'écouter Le musée des araignées qui était sur la face B de ce même vinyle. Il sera déjà Puis, toujours dans ce même épisode numéro 10, Stéphanie de Monaco nous chantait Flash, chanson qui date de 1986. Et bien sûr, la face B de ce vinyle, une chanson qui s'intitule Le Sega Mauricien, que je vous propose de découvrir tout de suite. Et on continue avec une Française. Et oui, comme cela, cet épisode sera assez varié. Étranger, français, pas de jaloux. Et là, on est avec Jackie Quartz. Elle chantait, souvenez-vous, Vivre ailleurs en 1986. Et là, on va s'écouter Là-bas. Là-bas. ne sais pas si je reviendrai. Laisse-moi un peu de temps. Je pense à toi, tu sais. Ensuite, c'est au tour de la grande de Julie Pietri qui avait cartonné avec son Eve, lève-toi en 1986, cette chanson cachée en son dos, le titre « L'homme qui aimait les femmes ». Yeah. Une chanson que j'adore, qui sortait en 1986, Boule de Flipper, par notre très jolie Corinne Charby. Eh bien, sur la face B de cette magnifique chanson, il y avait le titre « Je sais pas quoi dire ». Enfin, je sais pas, c'est J'SIS, hein, j'arrive pas à le dire vite. Je sais pas quoi dire. Allez, elle le dira mieux. On s'écoute ça tout de suite. Épisode numéro 12 d'80s Lost Songs, je vous parlais de la chanson Touch Me, I Want Your Body de la chanteuse pulpeuse, on peut le dire, de Samantha Fox. Eh bien, la face B sur l'édition européenne, parce qu'en fait, elle a sorti plusieurs face B différentes en fonction du pays où sortait ce titre. Mais en Europe, on avait droit à la chanson Never Gonna Fall In Love Again sur la face B du vinyle de Touch Me, I Want Your Body qui sort en 86. Afternoon. After all this time, it seems so hard. another look, boy, and remember what you left behind. Even though it hurts to know you're always on my mind. Living in a dream world, it's a little bit hard to bear. Somehow I just can't believe that you don't really care. I'm such a fool, believing you would be true. It's time to get away, find a separate room. You know it's true. Voilà ce qui était pour le premier volume des Face B. Une bonne quinzaine de chansons que j'espère vous avez découvertes ou redécouvertes. Et dites-moi laquelle vous préférez dans la liste. Je serais curieux de savoir s'il y en a une qui vous plaît, deux, trois, mais la meilleure, celle que vous préférez tout simplement. Alors bien sûr, elle sonne bien très 80 dans le son, dans l'aspect technique du son, etc. Cela fait tout son charme également, surtout quand on a connu cette époque. Et pour les jeunes, je pense que cela peut paraître vieillot, je pense, s'ils n'ont jamais eu l'habitude d'écouter déjà la musique des années 80. Moi, cela ne me choque pas, mais je suis conscient que pour les tout jeunes, lorsqu'ils écoutent ce style de musique, cela doit paraître peut-être, je dis bien peut-être ringard, même si je trouve ça injustifié, parce que je trouve que chaque époque a son style de musique. Voilà, mais faites-moi savoir vos avis sur la liste. Alors, volume 1, pourquoi ? Parce que de temps en temps, lorsqu'il y aura des pauses, hein, comme celle que l'on a connue dans le podcast actuellement, après l'épisode 50, je lancerai un volume de face B. Voilà, avec des chansons que je vous ai déjà présentées, un des disques que je vous ai présentés dans le podcast, avec leur face B, ce qu'on pouvait y trouver. Et d'ailleurs, donc le podcast reprendra, alors je n'ai pas de date encore, hein, malheureusement, mais ce que je vous propose, c'est de vous abonner, c'est gratuit, sur l'application de podcast sur laquelle vous m'écoutez, au podcast, abonnez-vous. Ainsi, vous aurez une notification lorsque le jour J de la sortie d'un nouvel épisode s'effectuera. Vous le saurez via votre téléphone. Comme cela, hein, vous êtes pas, vous n'avez pas besoin à chaque fois de chercher à voir s'il y a quelque chose de nouveau concernant 80s Lost Songs. Et d'ailleurs, je vais planifier bientôt les prochaines chansons que j'étudierai et que je vous présenterai dans le podcast. Mais n'hésitez pas, ça m'intéresserait de savoir un petit peu, n'hésitez pas à me dire quels artistes vous aimez issus des années 80. Pas forcément les chansons, juste les artistes, voir. Comme cela, si de temps en temps, je peux m'inspirer de vos listes pour vous parler d'une chanson que j'ai aimée de cet artiste-là, par exemple. Voilà, en général, hein, je connais, je vais pas dire que je connais tout ce qui est sorti dans les années 80, mais la plupart oui, parce que j'ai baigné dedans. Donc j'aurai toujours une chanson d'un artiste qui va peut-être me plaire ou que j'aurai envie de parler, tout simplement. Ils sont très rares où les artistes où j'ai tout détesté d'eux, de A à Z, sauf peut-être les one-shot. Il y a des chansons que j'ai pas aimées du tout, mais qui ont été des chansons uniques pour certains artistes, qu'on n'a plus entendu parler par la suite. Mais bon. J'essaierai aussi d'aller au-delà de mes goûts. Mais en général, tout ce que je vous ai présenté, ce sont des chansons que j'aime. Donc, regardez dans les notes de cet épisode-là. Vous avez tous les moyens de me contacter, que ce soit via Twitter ou Instagram, ou sur le Twitter de l'émission, ou sur mon Twitter perso, Maad Hakim. Voilà. Et dites-moi les artistes que vous aimez de cette époque. Et comme cela, un peu comme ça, j'en profiterai pour peut-être incruster un de ces artistes que vous citerez dans mes prochaines listes. Voilà, je compte sur vous, je compte sur vos retours. Cela, c'est aussi très motivateur pour poursuivre le podcast, comme c'est le cas avec Eurodance Story où j'ai pas mal de retours. Voilà, qui a peut-être plus de, allez, pas de succès, je dirais ça, plus d'écoute parce qu'en fait, il y a peut-être plus, c'est plus ciblé. Alors que les années 80, ça reste assez vaste, comme vous avez pu le voir. On a eu de l'Italo Disco, de la pop, de la synth pop, de la latine freestyle, un petit peu de rock aussi. Voilà, des balades. Donc, c'est très difficile d'attirer des personnes, un public, pour écouter tous les épisodes. Contrairement à l'Eurodance, ou ceux qui ont envie d'écouter de l'Eurodance, ou qui veulent connaître l'Eurodance, auront moins de mal à écouter plusieurs épisodes pour s'imprégner de ce style de musique. Voilà. Mais voilà, donc je compte sur vous, et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Ah oui, quand même. On va terminer avec une chanson. Alors, ce n'est pas une phase B, mais c'est une chanson d'une piste d'un album que j'adore. C'était même le premier album, c'était ma mère qui m'avait acheté la cassette audio, donc ce n'était pas un vinyle, que j'écoutais dans mon Walkman chaque soir avant de dormir, toutes les chansons de cet album. Alors il y avait c'était un petit album en fait, parce qu'il n'y avait que 8 pistes, voilà, 4 chansons par face. Donc ça s'écoutait assez vite. C'est l'album de la chanteuse Sandra, qui sort en 1985. L'album intitulé The Long Play, c'est celui qui contient Maria Magdalena, ou encore Little Girl, mais aussi In the Heat of the Night, que je vous ai présenté en épisode 50. Voilà, et dans cet album, la 7e piste, c'est une chanson que j'adore, qui me faisait frissonner, qui me faisait balader, qui me faisait rêvasser même, je dirais, c'est la chanson Sisters and Brothers. Voilà, donc il faudrait que vous l'appréciez autant que moi, je l'espère, mais en tout cas, que vos magnifiques petites oreilles soient réceptives avec cette chanson qui va clôturer cet épisode bonus volume 1 de des phases B. Dites-moi aussi, hein, si vous êtes pour ou contre, qu'il y aurait un autre volume, d'autres volumes même par la suite, au fur et à mesure. Pas prochainement, mais histoire de dans une histoire d'une quinzaine, vingtaine épisodes. Après une petite pause, je glisse un autre volume de phase B à voir suivant vos retours. Hein. C'est aussi vous qui participez à l'évolution de mon podcast 80s Lost Songs. Voilà, je vous dis portez-vous toutes et tous bien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je compte sur vos retours, sur vos feedbacks. N'hésitez pas à venir m'embêter, me déranger. J'insiste, hein, je ne dis pas ça pour faire joli. Et on se quitte avec la magnifique chanson Sisters and Brothers de Sandra. Donc c'était Hakim, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Bisous.